Bonjour Richard, bonjour vous tous qui écoutez la radio Nerakura et bienvenue à cette édition de la matinée. D'abord les principaux titres. À la deuxième journée de la prière organisée par la famille présidentielle en province de Tana, des enseignements aux leaders et aux jeunes ont été donnés par le président de la République ce mardi. Il les appelle à lire la Bible. Inauguration ce lundi d'une ligne d'électrification de 30 kV en commune Tangara de la province Ngozi par le ministre de l'Énergie et des Mines. Une ligne qui a coûté plus d'un milliard de nos francs. La province Cibitoke enregistre aujourd'hui de nombreux cas de malades du paludisme. La mauvaise utilisation des moustiques imprégné serait à l'origine de l'augmentation de ces cas de paludéens. Vous aurez les détails dans ce journal avec le directeur de l'hôpital de Cibitoke. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Encore une fois, bienvenue, ingénieur Pierre Clavé-Nzindo qui assure la mise en onde. Je vous le disais en titre, à la deuxième journée de la prière organisée par la famille présidentielle en province de Lautana, ce mardi, le président de la République, Pierre Nkurunziza, a donné des enseignements aux leaders et aux jeunes de Lautana. Reportage d'Eli Irumva. L'avant-midi de ce mardi a été caractérisé par des séminaires des leaders et des jeunes. Pour le séminaire des leaders, c'est le président de la République, Pierre Nkurunziza, qui a dispensé des enseignements bibliques où il a montré comment et le leadership selon Dieu. Il a invité ceux qui étaient présents d'avoir le courage de lire la Bible pour se conformer à la parole de Dieu. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, a précisé que Dieu a accompli tout ce qu'il a promis pour le Burundi et a signalé que le pays est en paix grâce à Dieu. Il a ajouté que toute personne qui voudra perturber la paix et la sécurité, qu'il ne pourra pas réussir et qu'il s'attire des ennuis. La deuxième journée de la semaine d'action de grâce organisée par la famille présidentielle a été l'occasion de dispenser des enseignements pour la jeunesse pour les aider à préparer leur avenir. Depuis Lautana, Eli Irumva pour la radio scolaire Nderagakura. Merci Eli. Inauguration ce lundi d'une ligne d'électrification d'une puissance électrique 30 kV s'étendant sur 23 km en commune Tangara de la province Ngozi par le ministre de l'Énergie et des Mines. Une ligne qui a coûté plus d'un milliard de nos francs. Le ministre, comme Emmanuel Kiza, a demandé à toutes les communes de mettre en avant le projet d'électrification pour les 500 millions octroyés par le gouvernement afin de participer au développement durable. Les détails avec Eric Zikubgao. Dans son mot d'accueil, l'administrateur de la commune Tangara, Marguerite Mawenimana, a remercié le gouvernement du Burundi pour la mise en application du projet d'électrification dans cette commune. Elle a appelé les investisseurs communaux qui se sont installés dans d'autres localités pour manque d'électricité de revenir dans leur commune natale afin de participer aux activités de développement. Même la population bénéficiaire de l'électricité se dit satisfaite de ce travail abattu par le gouvernement du Burundi via la régie des eaux. L'exemple typique est de l'un des bénéficiaires qui utilise une machine décortiqueuse. Chisa Sylvestre fait savoir qu'avec l'usage du courant électrique, les dépenses sont très minimes par rapport à l'ancien usage des machines qui consommaient du mazout. Dans son discours de circonstance, le ministre de l'Énergie et des Mines, comme Emmanuel Akiza, a fait savoir que l'extension des lignes d'électrification est un projet du gouvernement pour aider la population dans les travaux de développement. Il a profité de cette occasion pour lancer un appel vibrant à toutes les communes de mettre en avant les projets d'électrification pour les 500 millions octroyés à toutes les communes par le gouvernement du Burundi. Vous saurez que la commune non alimentée en électricité en province de Ngozi est celle de Ruhororo parmi les 9 communes qui composent cette province. Nous poursuivons notre édition avec page santé. La province de Cibitoke enregistre aujourd'hui de nombreux cas de malades du paludisme. Le directeur de l'hôpital de Cibitoke, Jean-Claude Mugisha, indique que l'augmentation de ces cas de paludéens est due à la mauvaise utilisation des moustiquaires imprégnés. Il demande à la population de cette province de se protéger contre la malaria par l'usage de moustiquaires imprégnés. Et on s'est rendu compte que depuis un certain temps, il y a une augmentation du nombre de cas de paludisme. Et ceci se remarque surtout en hospitalisation dans le service de pédiatrie. Où là où on hospitalisait 30 enfants, ils sont montés jusqu'à 80, voire même 90 et 100. Et là, on s'est demandé ce qui se passait dans la communauté. On s'est dit, mais quand même, on a remarqué qu'il y a une augmentation du nombre de cas de paludisme. Et même en consultation externe, on a également fait le même constat. On a vu qu'il y a une augmentation du cas de paludisme. Partant des informations qu'on a reçues de la communauté ou des superviseurs, c'est qu'il y a une faible utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides parce qu'on remarque qu'il y a certaines personnes qui utilisent les moustiquaires en couvrant des légumes ou bien des fruits, alors que le moustiquaire était destiné à couvrir les gens, à protéger contre les piqûres de moustiques. Les gens utilisent pour d'autres fins. Et là, effectivement, ça fait qu'il y ait des piqûres de moustiques, surtout au cours de la nuit, et le paludisme va augmenter parce que même les moustiquaires qui sont distribués au cours des consultations prénatales ne sont pas utilisés. Et je crois qu'il est temps que la population puisse prendre des mesures pour gérer sa propre santé. Et en plus, quand on parle de ce couvre de ces moustiquaires, ce n'est pas le ministère qui viendra obliger les gens à dormir sous moustiquaire, alors qu'il y a des sensibilisations qui sont faites presque trimestriellement pour rappeler les gens qui doivent dormir sous moustiquaire. Il faut vraiment un changement de mental de la part de la population. Même les moustiquaires qui sont distribués régulièrement au cours des consultations prénatales, il faut que ces moustiquaires soient utilisés comme ça devait. Sinon, si les gens continuent à utiliser les moustiquaires comme ça se remarque dans certains endroits, même si on leur distribue encore des moustiquaires, on ne va pas aboutir au bon résultat. Restons toujours dans la province de Cibitoke, où le conseiller principal du gouverneur de cette province, Saïdi Anissé, lance un appel à la population de sa province de rompre avec la polygamie et la polyandrie pour ne pas gaspiller leurs revenus. Saïdi Anissé le dit au moment où les habitants de cette province ont l'habitude de s'adonner à cette pratique pendant la récolte du riz. Suivez Anissé Saïdi, il est le conseiller principal du gouverneur de Cibitoke. Je lance un appel aux hommes ou aux femmes qui se livrent au vagabondage sexuel et que jusqu'à même à détruire leur foyer en se livrant à la polygamie ou à la polyandrie. Je relance un appel qu'il faut cesser avec ces violences qui sont basées sur le genre. Parce que ces violences font que les foyers ne se développent pas. Parce que dans un foyer où toute récolte est gaspillée, où tout le revenu est gaspillé, sans concertation entre la femme et le mari, on trouve que ces foyers tombent dans la pauvreté. Et cette pauvreté va donc se répartir sur toute la province, même sur le pays. Je relance alors de cesser avec ces mauvaises habitudes. De cesser avec ces violences basées sur le genre, plutôt de se livrer au travail du développement et à l'économie de la récolte et des revenus qu'ils ont laissés. Dernier élément de cette édition, le célèbre chanteur burundais Jean-Pierre Nimbona alias Kidumu est dans nos murs depuis ce mardi. Il est venu se joindre au Burundais pour célébrer les fêtes de fin d'année. Il demande au Burundais de célébrer ces fêtes dans l'esprit d'amour et de paix. Aux chauffeurs, il leur demande de se préserver de l'ivresse et aux Burundais réfugiés dans les pays étrangers de ne pas entacher leur pays, plutôt de contribuer à son développement. Suivez Jean-Pierre Kidumu, il est traduit par Isaïe Minan. D'abord, les conducteurs de véhicules, qu'ils évitent l'ivresse car se produisent souvent des accidents liés à l'ivresse. La police également essaie de faire le contrôle pour limiter les accidents. Et une autre chose, ceux qui ont des mauvais esprits et qui les poussent à battre leurs femmes, qu'ils ne le fassent pas pour que nous commencions l'année en beauté. Je demanderai aussi au gouvernement de revoir la hausse du budget alloué à l'agriculture pour que tout Burundi puisse avoir à manger. Les politiciens aussi sont priés d'être comme un seul homme, qu'ils s'entendent pour que le pays retrouve une paix durable. Même en RD Congo, l'on croyait que les choses allaient s'empirer, ils se sont entendus. Cela témoigne d'une grande maturité politique. Au Kenya également, les temps de Raila Odinga et Kibaki se sont vite entendus. Les Burundais seulement traînent dans les négociations. Si nous nous entendons, nous rencontrons d'autres pièges. Il faut vraiment que le pays retrouve la paix. Et une autre chose très importante qu'il faut mentionner, il faut que les Burundais exilés à l'étranger coupent court avec le mauvais comportement de salir le pays à l'étranger. Il faut plutôt amener les idées constructives, encourager ce qui est positif, décourager ce qui est négatif. Kidumu fait savoir qu'il a organisé des concerts dans différentes provinces. Il invite ses fans de se présenter massivement dans ses concerts. Encore une fois, Jean-Pierre Kidumu. Itariki mirongo ibiri n'umunani ni Gitega kuri terre ya basket guhera saa 10 ndasavye abanyagitega nibo banyu. Le 28 décembre, c'est en près de Gitega au terrain de basketball depuis 16 heures. Quel genre de Gitega vient nombreux. Puis j'irai en aussi au stade de Rasaka et aussi. Ils me l'ont demandé et j'ai honoré mon engagement. À Rumonge, c'est le 7 janvier. Le 1er janvier, c'est ici à Bujumbura, la Costa Beach. À la bonne année, les gens aillent d'abord à la messe pour remercier le bon Dieu pour avoir atteint cette date. Puis chez Cyril, c'est le 6 janvier. Je pense également retourner à Muzinda le 8 janvier pour dire bye bye, car là, à Muzinda, il y a un secret qui a caractérisé mon passé lointain. C'est là où je vendais des œufs, mais finalement, j'ai constaté que je ne suis pas capable de faire le commerce, mais plutôt de chanter. Histoire y'ouange, ni naona menye yuko kudanda za tavijan shaboye, aliko zikuliri mbagusa. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, vous retiendrez qu'à la deuxième journée de la prière organisée par la famille présidentielle en province Autana, des enseignements aux leaders et aux jeunes ont été donnés ce mardi par le président de la République, Pierre Nkurunziza. Il les appelle à lire la Bible. Inauguration ce lundi d'une ligne d'électrification de 30 kV en commune Tangala de la province Ngozi par le ministre de l'Énergie et des Mines. Une ligne qui a coûté plus d'un milliard de nos francs. La province Cibitoke enregistre aujourd'hui de nombreux des malades du paludisme. La mauvaise utilisation des moustiquaires imprégnés serait à l'origine de l'augmentation des cas de paludisme. Vous avez suivi le directeur de l'hôpital de Cibitoke dans cette édition. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de rédaction. Merci également à Pierre Clavier-Nzinukié pour sa collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec René Bizimana. Bonne journée de travail.